Lettre 49e. Le jury en France. La peine de mort rarement appliquée. Verdict d'un jury du comté de Cornouailles. Circonstances atténuantes. Le jury en Belgique. N'ayez pas peur, ma chère amie. Ne pensez pas que j'ai l'intention de changer ma tranquille allure et mon babil de femme pour suivre la marche de l'intelligence humaine et faire un traité de philosophie. Je n'ai point ces pensées ambitieuses, et pourtant il faut que je vous rende compte d'une conversation que j'ai eue avec une personne d'un grand jugement sur un très grave sujet. Je crois déjà vous voir frémir par l'idée que c'est d'économie politique que je vais vous entretenir, mais tranquillisez-vous. Ces deux mots m'ont de tout temps inspiré un invincible effroi. Non, il ne s'agit point d'économie politique, mais de jury. J'ai lieu de penser que M. V m'a cru beaucoup plus savante que je ne le suis en effet, quant à la manière précise dont ce droit constitutionnel si important s'exerce en Angleterre. En attendant, quoique mon ignorance m'empêcha de répondre très péremptoirement aux questions qui m'étaient faites, elle ne fut point un obstacle à ce que je m'instruisisse moi-même par les renseignements qui m'étaient donnés, et je vais vous rendre compte de cet entretien afin de vous faire connaître la très singulière manière dont cette institution agit en France. Je dois cependant commencer par remarquer que mon ami est un zélé henriquinquiste et, quoique je connaisse trop bien son intégrité pour pouvoir douter de l'exactitude des faits qu'il m'a relatés, il est cependant naturel de penser que ses opinions ont pu influer sur ses sentiments et par conséquent sur la manière de les exprimer. La circonstance qui donna lieu entre nous à cette grave discussion fut un arrêt qui venait d'être rendu à l'occasion d'un assassinat remarquablement atroce. Je ne suis pas grand partisan de la pendaison. Toutefois, je fus un peu surprise d'apprendre que ce sauvage et féroce tueur d'hommes n'avait été condamné qu'aux travaux forcés au lieu de la mort. Il est fort rare maintenant qu'en France un homme subisse la peine capitale, me dit M. V. en réponse à la remarque que me fit faire cet arrêt. « Est-ce depuis votre dernière révolution, demandai-je, que la peine de mort a été commuée en celle de l'emprisonnement et des travaux forcés ?»« Cette commutation n'existe pas dans la loi, me dit-il. C'est le jury seul qui décide si un coupable sera guillotiné ou seulement mis en prison. » Je crus l'avoir mal compris et je répétai ces paroles. « Le jury qui décide, dites-vous ? » ?»« Oui, madame, absolument. » Cette réponse me parut si extraordinaire que je crus encore être dans l'erreur, et je m'imaginais que le mot jury n'avait pas en France le même sens qu'en Angleterre. Sous ce rapport, ainsi que vous allez le voir, je n'étais pas très loin de la vérité, quoique mon donneur d'avis, qui était non seulement un homme fort capable, mais encore un avocat par-dessus le marché, m'assura que le jury était la même chose en principe dans les deux pays, quoiqu'il différât pour les effets. Mais, lui dis-je, nos jurés n'ont point à s'occuper de la peine qu'encourt le coupable. Leur seule affaire est d'examiner les dépositions des témoins à charge, et d'après la conviction que ces dépositions laissent dans leur esprit, de déclarer l'accusé coupable ou non coupable. C'est à cela que se borne leur devoir. « Oui, oui, je comprends parfaitement cela, » répondit M. V. « Et c'est précisément la même chose chez nous. Seulement, il n'est pas dans la nature d'un Français de prononcer un verdict sec, court, non raisonné, et de faire une déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité sans exercer son intelligence sur les différentes nuances de culpabilité qui s'attachent aux actes de chaque accusé. Cette impossibilité de prononcer un verdict sans exercer son intelligence me rappela une anecdote de cour d'assises qui fait partie des traditions du comté de Cornouailles. Un homme était accusé d'avoir assassiné sa femme et les preuves de sa culpabilité étaient incontestables. Mais, d'après les dépositions, il parut que la malheureuse femme n'avait pas tenu une conduite fort régulière. En conséquence, les jurés s'étant retirés pour se consulter, revinrent, et le chef du jury fit la déclaration suivante, qu'il prononça avec l'accent de sa province. « Coupable, mais c'était bien fait, Milord. » En vain, le juge les renvoya dans leur chambre pour rectifier le verdict, qui contenait des choses dont il n'avait pas eu à s'occuper, l'intelligence des jurés était en jeu, et il ne fut pas possible d'obtenir d'eux un autre verdict que celui de « coupable, mais c'était bien fait, Milord ». Il me fut impossible de m'empêcher de sourire en me rappelant cette anecdote, mais mon ami parlait trop sérieusement pour que je pusse me permettre de l'interrompre par une plaisanterie déplacée, et je le laissai poursuivre. Cette tournure d'esprit, dit-il, qui est essentiellement française, est une des causes, et peut-être la plus insurmontable, qui empêche que l'institution du jury ait chez nous une action aussi sûre et aussi simple qu'en Angleterre. Et comment cette activité de l'intelligence agit-elle pour empêcher le cours de la justice ? Demandai-je. Voici comment. Supposons les faits de la cause prouvés à l'entière satisfaction des jurés. Ils se décident à prononcer un verdict de culpabilité, mais leur affaire ne se termine pas là. Il reste encore à décider en quels termes ils déclareront ce verdict à la cour, c'est-à-dire s'ils reconnaîtront ou non des circonstances atténuantes. « Ah oui, je vous comprends maintenant, » répliquai-je. « Vous voulez dire que quand il y a des circonstances atténuantes, les jurés croient devoir recommander le coupable à la miséricorde de la cour. Nos jurés font de même. » « Mais non pas avec la même autorité, » dit-il en souriant. « Chez nous, le sort de l'accusé est entièrement dans les mains des jurés, car ils décident non seulement de sa culpabilité et de son innocence, mais par l'usage qu'ils font de l'expression de circonstances atténuantes, ils peuvent, selon leur bon plaisir et leur toute-puissance, lui remettre la partie capitale de la peine, quelle que soit la nature de son crime, car, d'après la loi, la cour ne peut plus condamner à mort une fois que les jurés ont admis des circonstances atténuantes. Il paraît, d'après cela, dis-je, que le devoir d'un juge, qui entraîne chez nous une si grave responsabilité, se borne ici à remplir une cérémonie officielle. Je vous assure que ce n'est guère plus que cela. Et vos jurés sont donc à la fois juges et jurés, ce qui chez nous serait regardé comme une grande injure. Il n'y a pas le moindre doute qu'ils le sont. Aussi, selon moi, la justice criminelle est administrée aujourd'hui en France avec plus de légèreté qu'en aucun autre pays civilisé du monde. À vrai dire, depuis la révolution de 1830, nos ouvriers sont devenus non seulement juges et jurés, mais encore législateurs. Des peines différentes sont, par notre code pénal, affectées à des crimes différents. Mais il arrive rarement, ou peut-être jamais de nos jours, que la peine infligée se rapporte à celle que la loi indique. Je conviens que la culpabilité peut varier, quoique le crime reste le même, et il est d'après cela juste et convenable qu'un juge versé dans les lois de son pays et choisi par l'autorité supérieure comme un homme sage et intègre, il est juste et convenable, dis-je, qu'un tel homme ait le pouvoir terrible de modifier la peine conformément à son opinion du cas particulier dont il s'agit. Le résumé d'un juge anglais est aussi regardé comme d'une immense importance pour le résultat de chaque procès. Rien n'est plus juste. Mais nous nous sommes singulièrement éloignés du modèle que nous prétendions suivre. Chez nous, le juge ne possède point ce pouvoir, du moins dans la pratique. Chez nous, c'est à une douzaine d'ouvriers rassemblés par hasard et qui n'ont aucune connaissance soit des lois de leur pays, soit de la philosophie des peines, à qui ce pouvoir terrible est confié. Il importe peu que le crime ait été prouvé jusqu'à l'évidence, et moins encore que la loi y ait attaché telle ou telle peine. Celle que subit le coupable est uniquement celle qu'il plaît au juré d'infliger. Et quel a été l'effet que cette étrange usurpation de pouvoir a produit sur l'administration de la justice ? L'abolition tacite de la peine de mort. Car ainsi que je viens de vous le dire, une fois que les jurés ont admis des circonstances atténuantes, le juge, quelle que soit sa conviction de l'atrocité du crime et de l'aggravation des circonstances, ne peut plus prononcer d'autres peines que les travaux forcés. Tel a été l'effet de la révolution de 1830 sur l'administration de la justice criminelle. Mais l'opinion publique sanctionne-t-elle cette étrange perversion des fonctions du jury ? L'opinion publique s'en étonne et parfois s'en afflige, mais la populace a conçu l'idée que la condamnation à la peine de mort est un acte illégal qu'exerce le pouvoir, et elle a forcé le gouvernement de lui concéder le droit d'en dispenser. N'est-ce pas là un singulier état de choses ? La personne qui m'a donné ces détails est ainsi que je vous l'ai dit, un homme trop honorable pour que je puisse le soupçonner d'avoir falsifié les faits. Mais il faut se rappeler que tout ce que le gouvernement actuel fait ou permet, et qui paraît contraire au système établi pendant la Restauration, doit naturellement choquer les sentiments des légitimistes et répugner à leur jugement. Toutefois, en cette occasion, le relâchement de l'autorité doit nécessairement amener de grands maux, et il faut espérer que le gouvernement reprendra les rênes avec plus de vigueur, aussitôt qu'il se sentira assez fermement établi pour pouvoir user de sa force en toute sûreté. M. V m'a, du reste, cité à l'appui de son opinion un si grand nombre de cas où les crimes les plus affreux, prouvés par les témoignages les plus irrécusables, ont obtenu des verdicts de circonstances atténuantes, qu'il est impossible de ne pas reconnaître que tant que les choses resteront dans l'état où elles se trouvent, un pareil mode d'administrer la justice doit rendre les jurés le parjure aussi fréquent que le serment. Cette conversation me rappela quelques singulières histoires que j'avais entendues raconter en Belgique à l'occasion du jury belge. Si elles sont conformes à la vérité, on comprend dans ce nouveau royaume aussi peu qu'en France cette institution si belle, si équitable et qui chez nous fonctionne si bien. Mais les causes de l'ignorance des Belges me paraissent être absolument l'opposé de celles des Français. Là, à ce qu'on m'assure, il arrive souvent que les jurés ne savent ni lire ni écrire, et n'ont pas la plus légère idée des devoirs qu'ils ont à remplir. Aussi sont-ils si embarrassés de leur position qu'ils ne demandent pas mieux que de prononcer le jugement qu'on leur dicte. Ainsi, par exemple, on m'a parlé d'un honnête flamand qui, après avoir prêté l'attention la plus soutenue au débat d'un procès, dans lequel il siégeait comme juré, déclara, quand il fallut donner son avis, qu'il n'avait pas compris un seul mot de tout ce qui avait été dit. La cour s'efforça de lui expliquer les points principaux de la question, mais l'honnête bourgeois persiste à déclarer que cette affaire n'avait aucun rapport avec son commerce et qu'il lui était impossible de s'en former une idée assez claire pour donner son opinion. On recommença les explications, mais en vain, et à la fin le consciencieux flamand paya l'amende et se retira. En France, au contraire, il paraît que l'intelligence humaine a marché si vite et si loin qu'il est impossible de réunir 12 hommes assez modestes pour se contenter de répondre oui ou non à une question qu'on leur fait, sans avoir la prétention de faire les petits législateurs dans chaque affaire. Il faut convenir que dans ce qui regarde le jury, l'Angleterre offre un bel exemple de juste milieu.